si jamais pour le prochain j'essaye de le faire différemment. Mais, Et surtout qu'après un album c'est un clip, après un clip c'est... Voilà, donc il y a toujours du boulot. Mais disons que le but c'est de sortir cet album, de faire bien sûr le plus possible de scènes. J'aimerais le sortir à la rentrée, là, au mois d'octobre, novembre, tu vois. Et, 4 mois, là. Et puis commencer très vite celui d'après, quoi. Ah oui, donc, déjà il faut que je commence à écrire maintenant. Ok, oui. Enfin, okay, aboutir. Ok, t'as rien de fait, là. Bah si, j'ai des bribes, j'ai des choses, mais on part jamais de rien, mais il faut s'y mettre. Aimes-tu écrire ou si t'es une fille plutôt d'auteur, tu vas chercher des écrivains, tu apprends des textes, aimes-tu écrire, aimerais-tu jouer une pièce? Bah, les deux, en fait, si tu veux. Moi, j'adore les auteurs et en même temps, j'adore écrire, mais d'une manière complètement... J'écris des journaux, tu vois, j'écris mon journal, j'écris des choses sur des bouts de papier, mais très vite, comme des premiers jets tout le temps, et j'ai beaucoup de mal à aboutir. Donc... C'est peut-être aussi parce qu'on vient de cette culture un peu de théâtre improvisé où il y a toujours ce côté live et c'est difficile pour moi d'écrire quelque chose de construit, de vraiment travailler. Donc c'est ce travail que j'ai envie de faire maintenant et en même temps, bon, j'adore les auteurs, donc je pense que je continuerai toujours à chanter des auteurs. Ok. Ça, c'est sûr. Et puis peut-être que le prochain disque sera composé de tes écritures à toi et de ceux de grands auteurs. Ouais, ce que j'aimerais, c'est commencer à avoir de plus en plus de chansons à moi, en plus des chansons d'auteurs que je choisis. Avant de se quitter, j'ai 10 questions et heureusement, je ne les ai pas oubliées parce que ça ressemblait à quoi. C'est 10 questions que je pose aux gens que je rencontre, sauf hier, parce qu'il y a eu un problème technique. Ah. Ben, je l'ai oublié. C'est mon problème technique. Donc, petit problème technique. Donc, attends un petit peu. J'ai ça ici. De toute façon, on fait des montages en cours. Ouais, ben, j'imagine. Tout quand n'est même, pas hein? présenté. Ben, oui. Alors, donc. Alors, j'ai même mis un bonus pour 2011. Donc, c'est good. J'ai hâte d'avoir. Alors, j'ai 10 questions. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. De l'eau. Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'ai. Moi, si j'ai une base, un endroit sur Terre où je me sens vraiment chez moi, c'est dans le sud de la France, à Le Cat, au bord des étangs et au bord de la mer, Méditerranée. L'eau, c'est la vie pour toi? Ouais. Ouais. Si tu étais une ville, ben là, je crois que tu as déjà répondu. Une ville, ben Paris. Ok, pourquoi Paris, ouais? Parce que je me sens parisienne. Je le me stress, sens vraiment parisienne dans l'âme. Pas dans le stress, pas dans le snobisme parisien, pas dans cet aspect-là, mais dans l'aspect, le Paris des boulevards, du music hall, de Pigalle, de ce Paris-là, Belleville, qui est mon quartier, Ménilmontant. Les chanteurs comme Trainé, Barbara, Piaf. Est-ce que tu vas souvent voir des spectacles, voir des pièces de théâtre? Ouais, le plus possible, ouais. C'est pas évident quand on joue souvent, mais j'essaye de garder cette curiosité. C'est toujours une prise de risque d'aller voir un spectacle, parce que souvent on s'ennuie ou on est déçu, mais quand même... Je vois quand même 4-5 spectacles par an qui me marquent vraiment et qui me font avancer dans mon boulot, qui me donnent envie de faire des choses. Quoi. Donc, d'aller plus loin. Ça me semble important. Est-ce qu'il y a des amis qui sont dans ton milieu et qui disent « viens voir » Ah bah oui, forcément, on va toujours voir les spectacles des copains. Mais c'est aussi un peu le danger, c'est que si on va voir que les spectacles des copains, alors on ne découvre pas de choses nouvelles. Donc il faut aussi parfois prendre... le temps d'aller voir des vraies découvertes, quoi. Si tu étais une langue? Une langue? Une langue de quoi? Une langue parlée. Dreyfus a dit une langue de vipère l'année dernière. Ah. ouais. Non, mais une langue parlée. Une langue parlée, l'anglais, je crois. Pourquoi? Je crois que c'est la langue... émotionnellement qui me parle le plus à travers, de par ma culture musicale, cinématographique, théâtrale. Ma grand-mère était américaine, la mère de mon père, et elle m'a beaucoup lu aussi en anglais quand j'étais enfant. C'est là où j'adore la poésie américaine. Enfin, je me sens vraiment proche de cette langue, quoi. Tu es plus près de Gable que de Gabin? Peut-être. OK. Si tu étais une époque? Une époque, je dirais, les années 50. OK. Pour le musical? Pour, la chanson, ouais. La chanson et le jazz, les chanteuses de jazz. Dinah Washington. Nina Simone. Nina Simone, ouais. Toutes ces grandes stars, comme Jojo Olivo de la Flûte du Rhum. Si tu étais un mot, as-tu regardé ma copie? Non, j'ai pas regardé du tout. Un mot? J'ai écrit tellement en gros. Quelle question? Je sais pas. Moi, Nina, quoi. OK. Pourquoi? Ça te représente? Ouais. OK. Alors, Nina. Ouais. OK. Si tu étais un aliment? Un aliment... je sais pas. Une amande. Pourquoi? Chocolatée, non? Non, okay. Fraîche. OK. Parce que je crois que c'est le fruit que je préfère. C'est celui qui dure le moins longtemps dans l'année. Il faut vraiment les cueillir dès qu'elles sont mûres. Il y en a très peu parce que les amandiers, c'est très fragile comme arbre. Et donc, quand j'en vois quelque part, en général, je me jette dessus. Avec un bon verre d'eau, hein, c'est ta boisson préférée? Ouais, moi, je bois beaucoup de tisane, de thé, okay. Voilà. Si tu étais une saison? Une saison, l'été. Pourquoi? Parce que, je sais pas, je suis une fille du sud. Mm-hmm. Alors, t'aimes la chaleur, t'aimes le soleil, t'aimes les oiseaux, tout ce qui entoure le soleil, la gaieté, la joie de vivre, la beauté de l'été. Si tu étais un membre corporel? Une main. Pourquoi? Parce que c'est mon outil de travail number one. Pour écrire, pour jouer, pour... mimer. Avec la voix, bien sûr. Oui, mimer pour... un peu comme Gréco, la main à travers l'éclairage qui coupe à un moment donné, on voit juste la main. C'est merveilleux, c'est vrai. La saison, donc, pour elle, si tu étais un moment de la journée? Le soir. OK. Ouais, c'est très jazz aussi le soir. Hein? Je sais pas, ouais, j'ai toujours été décalée, moi. Je me sens beaucoup mieux le soir que le matin. OK. Je suis pas tellement du matin. Pourtant, je suis née à 9h du matin. Il paraît qu'on est toujours opérationnel à l'heure de sa naissance. Mais alors moi, j'ai toujours vécu au rythme du spectacle aussi. Donc, c'est vers 6h qu'on commence à se mettre vraiment en action, quoi. Mm-hmm. Alors, je travaille... C'est vrai que je travaille bien aussi la journée, mais le soir, c'est un moment que j'aime particulièrement. Tu te sens à l'aise, la noirceur. Ouais, la nuit, ouais. C'est l'ambiance nocturne aussi. C'est le moment où les choses, tout se tranquillise et on peut se concentrer vraiment. Ça se libère aussi, l'esprit se libère le soir, la nuit, tout est... Si tu étais un autre individu? Compliqué comme question. Un autre individu, je sais pas, Patti Smith. La punk. Et pour terminer, ma question bonus, quelle folie voudrais-tu faire à mon émission actuellement? À ton émission? Oui, là. Là, tout de suite? Oui. Une extravagance, une folie, quelque chose. Ça peut être rien aussi. Là. si tu as la liberté de faire, si on t'offre la liberté de faire une dernière chose. Ah, je sais pas. J'ai pas d'idée là tout de suite. Alors je devrais enlever cette question-là en 2011. Ouais, faudrait que tu me réinvites l'année prochaine. Non, mais non, ce sera l'extravagance. Ben non, ce sera calculé, donc c'est plus sur le vif. C'est préparé, c'est... Ah non, faut pas que ce soit préparé, okay. Sinon c'est pas intéressant. Ouais. OK. Alors ce sera peut-être une question à revoir. Voilà. OK, je vais remettre ça en veille et je verrai ce que je vais en faire. Mais peut-être que je vais l'enlever pour les prochaines rencontres. À moins que tu aies une idée, toi. Ben c'est pas moi. Ah, c'est pas toi. Non, non, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une tirade, une dernière... une phrase qui t'illumine, une chanson, n'importe quoi. Un texte, je sais pas. Non, ça vient pas. Non, j'ai pas d'idée, non. Ben, Nina, j'espère que ton album là, à toi, que tu vas préparer après cette sortie-là, de tes compositions sortira, et même celui-là, parce que tu travailles encore, il te reste 4 mois à bosser. Ouais. J'espère que les Québécois pourront l'entendre, pourront voir les vidéos qui en sortiront. Et qu'un jour, tu as joué à Toronto, tu m'as dit, non, c'est ton père qui a joué à Toronto, pas toi. Ouais, non, moi, j'ai pas joué à Toronto. J'ai jamais joué aux États-Unis. J'ai joué en Amérique latine, mais... Au Québec, non? Non, mais j'adorerais. Il faudrait que je vienne. J'ai des très bons amis, Mercury Rêve, ouais. Je sais pas si tu les connais, à Woodstock. Oui. Qui m'ont invité. OK. Et... Bon, ce sera peut-être l'occasion de faire un tour au Québec. Ben oui, puis surtout de présenter ce que tu fais. Ben oui. On ne sait jamais. Absolument. Faire tes chansons, faire tes... Faire quelques petits concerts là-bas. Ben oui, ou de trouver un tournant. Mm. On ne sait jamais, peut-être que CKRL sera une porte. Absolument. Merci d'être venu à mon émission. Et, merci, Alain. Et on se retrouve un de ces quatre. Yes. Tourlou.